Ce vendredi à la vie en BD, l'univers onirique du domaine Grilloire de Michel Falardeau, l'Arche des animaux de Marianne Dubuc, les idées cadeaux de Marco Duchesne et plus. Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30. Comme à l'habitude, avant la pause du temps des fêtes, puisque on ne sera pas avec vous les deux prochaines semaines à l'occasion de ces grandes vacances. On sera de retour le 8 janvier prochain pour notre édition coup de cœur, comme à l'habitude. Alors, au retour, au premier détour du nouvel an. Et on a bien chargé, bien rempli cette dernière édition. Cette dernière émission de l'année, notamment dans quelques instants, on va jaser avec Michel Falardeau, deuxième tome de sa série Le Domaine Grilloire qui métisse rêve et réalité. On s'était dit au sortir de l'entrevue du premier tome qu'on allait poursuivre la discussion cet automne, ce sera chose faite. Également, j'avais envie de profiter de l'émission pour jaser un brin avec Marianne Dubuc autour de son nouvel opus à la courte échelle, cette fois l'Arche des animaux. Marianne Dubuc, qui n'a plus besoin de présentation dans le domaine de l'illustration jeunesse, moult récompenses, que ce soit pour l'autobus, que ce soit pour le lion et l'oiseau. Alors, nouveau livre qui s'adresse aux plus petits, dont on parlera aujourd'hui. Également en fin d'émission, Marco Duchesne viendra nous apporter quelques suggestions de beaux livres si vous avez des amateurs de BD dans votre entourage que vous voulez gâter pour le temps des fêtes. On commence également l'émission dans un regard un peu plus triste, un peu plus sombre, puisque vendredi 11 décembre dernier, le cofondateur du magazine Crow, Jacques Urtubise, est décédé d'une crise cardiaque. Alors, évidemment, c'est un acteur incontournable d'univers de la bande dessinée au Québec. Vous avez peut-être vu passer sur les médias sociaux différents regards, différents hommages, différents témoignages autour de son importance, notamment les auteurs des années Crow, Jean-Dominique Leduc et Michel Viau, qui n'ont pas tari d'éloge avec raison d'ailleurs à son intention. Le Duc qui disait notamment, si aujourd'hui au Québec il se vend des albums de bande dessinée et qu'il y a des auteurs connus, c'est grâce à Jacques Urtubise. Michel Viau de son côté qui disait que Jacques Urtubise était une, sinon la personne qui a le plus marqué la bande dessinée au Québec. Durant la première partie des années 70, il en a été l'un des plus ardents promoteurs. Ses efforts visaient à sortir la bande dessinée québécoise de l'amateurisme et à poser les bases d'une véritable industrie de la BD au Québec. Il voulait que les auteurs deviennent des professionnels et qu'ils puissent vivre de leur art. L'émergence de talents comme ceux de Godbout, Haid, Garnotte, Badeau, Gabouri dans les pages de Crow et du magazine Titanic qu'il a fondé par la suite témoigne de son succès. Alors, on rappelle évidemment que c'est en novembre 1971 qu'il lance sa première revue BD, l'Hydrocéphale Illustré. Il fondera ensuite coup sur coup la maison l'Hydrocéphale Entêté en 72, puis la coopérative Les Petits Dessins en 1973. Le grand coup, c'est évidemment le magazine Crow, une aventure qui aura duré de 1979 à 1995 au fil de 185 numéros, en plus de divers passages vers d'autres médiums, télévision et radio. Et en marge de cette titanesque aventure, il lance également la revue professionnelle BD Titanic, qui durera 12 numéros, sans oublier les éditions Ludcom Crow, à travers lesquelles il se lance dans la publication d'albums. Une contribution tant à titre d'éditeur qu'à titre de créateur, à travers entre autres son pseudonyme de Zix, sous lequel il signe notamment son sombre vilain, qui aura d'ailleurs mené Urtubise vers le temple de la renommée de la bande dessinée canadienne, où il est intronisé en 2007. Et enfin, il est par ailleurs l'un des deux seuls Québécois avec Albert Chartier, qui est cité dans le Dictionnaire mondial de la bande dessinée publié chez Larousse. Évidemment, ces jours difficiles, nos pensées se tourne vers sa famille et ses proches, à qui l'équipe de La Vie en BD adresse ses plus sincères sympathies. Dans un tout autre ordre d'idées, évidemment, autre élément qui est sorti cette semaine, c'est la sélection officielle d'Angoulême 2016. Cette année, il y a un album de La Pastèque en titre, en liste, parmi les nombreux titres de la sélection. Il s'agit du Joker de Benjamin Adam. Alors ça s'ajoute à une belle présence annoncée de La Pastèque, puisqu'il y aura, on en parlait la semaine dernière, projection également du film Paul à Québec. Je vous épargne peut-être la liste des la soixantaine de titres qui sont en sélection. Je vous invite peut-être plutôt à aller la chercher directement, soit sur le site donc du Festival d'Angoulême que vous trouvez via vos moteurs de recherche favoris, ou sinon, blog personnel sur mon blog voir.ca/Raymond-Poirier. Et enfin, dernier clin d'œil, le prix papier nickelé a été remis à Jack Kirby à l'occasion du Sobédé 2015. Yves Frémion et Renaud Chavanne ont annoncé l'attribution du prix papier nickelé aux deux volumes de la biographie de Jean Desplais intitulée Jack Kirby, le super-héros de la bande dessinée publiée chez Néophilis. Alors, c'est un prix qui a pour objectif de mettre en lumière la littérature portant sur la bande dessinée et le patrimoine graphique mondial qui élit chaque année l'ouvrage le plus notable en la matière. Et pourquoi donc avoir choisi ce livre? On dit, j'ouvre les guillemets, en choisissant le livre de Jean Desplais, nous récompensons un ouvrage qui porte un regard très détaillé sur un auteur de premier plan de la bande dessinée américaine. De plus, au-delà des qualités intrinsèques de ce titre, le jury souhaite par ce choix indiquer que les travaux dus aux amateurs passionnés méritent de figurer dans des corpus de textes savants. Alors voilà pour ces différents clins d'œil. Cette semaine, d'ailleurs, la sélection musicale qui nous accompagnera au fil de l'émission, ce sera l'album Visibility Zero de Yours Truly, toujours des sélections d'ailleurs disponibles sur Bandcamp. On en parlait en ouverture, donc deuxième tome du diptyque Le Domaine Grilloire de Michel Falardeau qui est arrivé chez les libraires au fil de l'automne. L'auteur est avec nous en studio pour en parler. Michel Falardeau, bonjour. Salut. J'avais lu à quelque part, si on refait un peu, si on remonte à la genèse du domaine grilloire. Oui. Ça fait depuis 2006 que tu traînes ce projet-là avec toi. Oui, je pense que c'est mon premier scénario que j'ai écrit. J'ai écrit ça en 2006. Ben, c'est après 3-4 BD de sortie, bien sûr. J'écrivais pas vraiment de scénario. Je les pensais, je les rêvais, mes scénarios. Puis je commençais tout de suite au storyboard à l'époque. Et là, je me suis dit, là, il faut que je commence à écrire parce que sinon, je me tape des mois d'angoisse à pas dormir. Tu sais, quand il faut que tu finisses une série en trois tomes, puis t'as improvisé les deux premiers. Et donc, je me suis lancé après la lecture d'Harry Potter, comme on se parlait avant l'émission. Ouais. Et ça m'a beaucoup inspiré. Depuis que je suis enfant, je suis fan des univers qui a du fantastique un peu dans la réalité. Puis je me suis inspiré de ça pour créer mon propre univers. Et donc, c'est ça, premier scénario que j'ai écrit. Et quand j'ai vu mon premier jeu, j'ai fait « je suis incapable de dessiner ça ». Un, parce que c'était très différent. C'était juste deux filles qui parlaient pendant 80 pages de texte. Donc, tu sais, c'est même si les dialogues sont bons, une manière, il faut un rythme puis il faut de l'action. Et donc, j'ai mis ça dans mes tiroirs. Je pense que je l'avais présenté à des éditeurs, puis tu sais, même eux, ils faisaient comme « ok, c'est n'importe quoi ». Et je l'ai ressorti donc presque 10 ans plus tard, en me disant « là, je suis capable ». Et quand j'ai commencé à... je l'ai tout réécrit, bien sûr, et j'ai mis du rythme. Et quand j'ai commencé à dessiner le premier tome, j'ai fait comme « oh, j'aurais peut-être dû attendre 2 ans encore ». Parce qu'au niveau du dessin, c'était assez difficile quand même. Mais en fait, c'est beaucoup, c'est une explication. En fait, beaucoup de dialogues, justement, de séquences d'échanges, de discussions entre amis, en duo. Et en parallèle, ces séquences oniriques-là, que ce soit des séquences réelles ou des séquences de rêver. Donc, ça fait une duplication. On a un peu deux univers en un qui se côtoient, finalement. Ouais, ouais. Ben, ça, j'aime quand même cette partie-là de faire une bonne rythmique entre... de tirer, en fait, le lecteur qui sache pas trop vers quoi, qui s'en va, mais qui veut continuer. Quand je dis difficile, c'est vraiment plus au niveau... tu sais, il fallait que je dessine les rues de Québec, des escaliers, des ci, des ça. Et des personnages, quand même, qui sont plus semi-réalistes que mon dessin habituel. Fait que, tu sais, mon livre d'avant, French Kiss, 1986, qui a 150 pages à peu près, avait pris un an et demi à faire. alors que des petits 46 pages m'ont pris un an à faire, donc c'était beaucoup plus de travail. Mais bien content du résultat quand même. Oui, en fait, parce que dans le fond, l'univers est campé, il est clair, il faut qu'on se retrouve dans ces rues-là, qu'on sente l'endroit, si on veut, pour pouvoir sentir aussi l'étrangeté, ouais, peut-être, qui est associée à cet endroit-là. En parallèle, tu parles des personnages, il y a beaucoup de dialogues, puis au bout du compte, c'est aussi une histoire d'amitié, le domaine grillois, avant tout, même, ouais. Et donc, faut pouvoir sentir la chimie entre les personnages, oui, dans les dialogues, mais aussi par ce qui déraille, ce qui dégage, dans le fond, de ouais, la planche. Hein. Ah, c'est super compliqué, parce que, en plus, j'avais pas beaucoup de pages pour raconter cette histoire-là. Et de montrer un coup de foudre en amitié, même si c'est un coup de foudre, je veux dire, il faut mettre des dialogues, il faut que le temps passe. Ça peut pas arriver en une scène, ils se rencontrent, la scène d'après, c'est les meilleurs amis au monde. Et là, à travers ça, t'as plein de choses à raconter, mais t'as pas le choix de mettre un break, puis en même temps, de peser sur l'accélérateur. Ah, c'est un beau casse-tête quand même. De réussir à faire à croire que cette amitié-là se peut, et qu'il y a tout ça en même temps autour, là. Tout ça, bien sûr, que je ne dirais pas tout à fait c'est quoi, là. Oui, mais à la limite, en fait, je pense tu le mentionnais tantôt, au cœur de l'histoire, c'est d'abord et avant tout, c'est pas le surnaturel, c'est l'amitié. Ouais. Et c'est ça le centre, le moteur finalement narratif du domaine grilloir, c'est cette amitié-là entre deux filles, Noah et Axel. Ouais. Je pense même pas qu'à la base, c'était mon moteur. À la base, j'avais mon personnage de Noah, et je voulais aller un peu dans le fantastique qu'a fait son enquête. Et ça arrive souvent dans mes histoires, je crée des personnages, puis soudainement, ils prennent le dessus sur l'histoire, et je le voyais, là, ça allait arriver. Finalement, que Noah a une détresse qu'on sait dès le début, mais qu'elle rencontre une fille qui a une autre sorte de détresse, qu'on sait, c'est plus mystérieux, mais finalement, qui se rattache à Noah, puis qui veut pas la lâcher. C'est comme si... elle allait tout perdre si elle perdait cette fille-là. Et en même temps, justement, Noah, c'est le premier tome est à elle, pour, oui, pour l'essentiel. J'ai l'impression que le deuxième, c'est peut-être un peu plus celui d'Axel. C'est que aussi, il faut commencer à répondre à des questions. C'est un personnage que je voulais qu'il reste quand même mystérieux, mais c'est ce que je trouve le fun, je pensais à ça en marchant, c'est que mes retours sur le tome 2 des amis, des fans, tout ça, c'est souvent dit... Est-ce que tu as une histoire sur Axel? Les gens veulent avoir la série d'Axel. Fait que, au début, ça m'a fait pas un pincement. Je me disais, ben ouais, mais Noah, c'est elle le personnage principal. Mais je me suis dit, non, c'est ça, c'est mission réussie. Parce que le domaine grilloir, c'est un univers, c'est une porte d'ouverture sur un univers que j'ai déjà créé. Et pour spoiler, bien comme il faut, ben les autres univers, c'est deux séries sur la vie d'Axel. Donc, c'est plutôt Noah qui est le personnage secondaire, mais sauf que là, c'est son petit moment de gloire, là. Exactement. Dans le fond, parce que c'est un peu le défi quand on crée une mythologie, quand on la présente, savoir quel élément dévoiler, quel élément garder mystérieux, sur où mettre l'emphase et le reste. Et c'est effectivement l'impression qu'on a au terme de ça, c'est que c'est le diptyque de Noah, oui, dans la mesure où c'est son histoire qu'on règle. Mais tu choisis quand même de laisser aussi des questions en suspens autour d'Axel, qui, pour l'instant, ben, en fait, nous laisse un peu relire l'album, aller chercher nos réponses à nous aussi. Vous payez moi des bières, je pourrais. Mais ce qui est le pire, si Glina s'en était pas mêlé, il y aurait eu encore moins d'informations. Ben, c'est correct, je suis bien content d'en avoir mis un peu plus, mais je le mettais encore plus mystérieux. Parce que vu que cet univers-là existe, tous les personnages secondaires ne sont pas que des figurants qui apparaissent et disparaissent, c'est des vraies personnes avec un caractère. Je voulais montrer que par leur réplique, par leur choix, ces personnages-là, on sent qu'il y a autre chose. Mais c'est ça, je voulais pas trop en dévoiler, parce que de toute façon, dans une si courte histoire dont le mystère est très présent, dévoiler trop de choses, ça virerait à plat. Ouais, ça finirait à avoir deux pages de texte à la fin pour dire voici. Voici tout ce que c'était finalement. Donc, puis c'est le fun de continuer à rêver quand t'aimes une histoire, de dire, ah, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça, peut-être qu'il va y avoir la suite un jour, etc. Oui, puis sinon, en fait, le moment qu'on a passé, les dialogues, les instants, en fait, c'est pas évident non plus de réussir à se donner le droit de prendre le temps de faire vivre son monde, de faire vivre son univers. Des fois, j'imagine qu'on se dit, ben, OK, faut que j'arrive à ça, puis on finit par parcourir, alors que dans le domaine grilloir reste que, comme tu disais au départ, l'amitié, on la sent, on la comprend. Est-ce que c'est plus pertinent peut-être justement de laisser ce cœur de l'album vivre plutôt que de forcer justement? Moi je pense que oui là. Mes amis m'en ont reparlé justement. Ben, le tournoi finit avec, je pense, une scène. Ça paraît pas, je pense que je l'ai bien réussi, mais une scène au bar qui dure, je pense, 23 pages. Deux filles qui parlent l'une en face de l'autre. Et les critiques ont été bonnes, tout ça, mais là, je commence le deuxième tome avec une genre de scène de 15 pages d'un party d'amis. Et Jake Dion, justement, qui m'a dit, hey, là, quand j'ai commencé à lire ça, là, je te trouvais tough, là. J'étais comme, il va-tu avoir de l'action de manie? Je dis, oui. Ben, tu sais, il l'a vu par après. Après, je pense que tout déboule. Peut-être un peu trop vite vu les restrictions que j'ai eues, mais n'empêche, j'avais pas le choix parce qu'il fallait y croire à cette amitié-là, puis c'était là que ça se passait. Là. Oui, puis après ça, mais enfin, une fois que ça déboule, là, ça commence, la base est établie en une scène. On a montré aussi, j'imagine, à travers un peu le personnage de Julie, qui était très présente au premier volume, un peu plus effacée, qui était techniquement avant Axel la meilleure amie de ton personnage principal. Ben, à travers sa réaction, à travers son refus d'Axel, on comprend aussi l'importance que Noah lui donne. Donc, c'est des petits indices aussi comme ça qui nous permettent de bien capter, si on peut dire, ce que tu veux nous montrer. Ouais, ben j'avais pas pensé à ça. Ça a dû se faire tout seul, mais les personnages secondaires aident beaucoup à amener les scènes à avancer. Puis en même temps, je regardais un peu au fil des pages, il y a d'autres moments où justement l'histoire rentre en vitesse action, si on peut dire. Ouais. Et à un moment donné, on se retrouve dans deux séquences chargées de mystère. Enfin, une séquence dans les montagnes, dans l'hiver, dans la forêt, où il y a des nouveaux personnages qui arrivent, qui débarquent. On sait pas trop d'où, on sait pas trop qui. Et un peu plus loin, il y a une autre séquence où on découvre peut-être la nature profonde d'Axel au fil d'une séquence assez intense dans un magasin d'alimentation. Et entre ces deux séquences-là, tout ce qu'il y a, c'est à peu près une demi-page où il y a un petit vieux qui apparaît inopinément, qui dit deux, trois banalités un peu absurdes, puis après ça, qui disparaît, comme si, dans le fond, tu nous faisais respirer entre deux séquences clés. Ouais, ben pour moi, c'est important d'une manière... dans le tome 2, j'ai pas pu beaucoup en faire, mais dans le tome 1, même s'il est très chargé, il y a des pages sans texte. C'était bien important d'avoir des pauses. Et souvent, moi, ce que j'aime, ben là, je fais pas ça tous les coups, donc... mais c'est... avant une scène très, très, très intense, je trouve la meilleure façon de l'amener, c'est de faire à craindre qu'on est dans une petite scène d'humour facile, puis soudainement, la page d'après, ça explose. Et le petit vieux servait à ça, là. Donc, désolé pour ceux qui l'ont pas lu, mais quand il va avoir un petit vieux, ça va exploser. Oui, je trouve ça trop intéressant, justement, d'amener, de jouer un peu avec les attentes du lecteur. Ben, en même temps, c'est ça, c'est que ça fait une pause. Mais en même temps, c'est que ton explosion va être tellement plus forte après parce que le lecteur s'en attend pas du tout. Et moi, peu importe le style de BD que je fais, il faut qu'il y ait de l'humour. Je ferais de l'horreur, il y aurait de l'humour. Il y en a partout dans la vie, puis je pense que c'est nécessaire. Oui, puis même à la limite, en fait, ça vient un peu dans la logique aussi même de l'album au complet, où, comme on disait au départ, on a 15 premières planches, on est un peu en repli, c'est calme, après ça, ça explose. Ouais. Puis à l'intérieur, des petits replis, des petites explosions, c'est un peu comme une marée de... on retrait, on se calme, whoop! Ouais. Ça monte. Je contrôle l'océan de la BD. Je suis le Poséidon de la BD. mais justement, comment t'en arrives un peu à dire, ben OK, j'ai la recette, parce que de ce que tu dis au départ, c'est un peu, c'était pas évident pour toi de te lancer dans cette aventure-là. Est-ce qu'à un moment donné, tu arrives à lâcher prise, à dire, ben OK, j'ai probablement le bon rythme, l'instinct se tient? Avec l'expérience, ça va beaucoup mieux. À l'époque, avant de commencer à écrire des scénarios professionnels, souvent tu mélanges fantasme et écriture. Tu sais, il y a bien des choses qui sont le fun à rêver le soir, mais souvent, tu sais, on a plein d'amis qui disent « Ah, moi, j'ai des idées d'histoire », mais non, c'est des émotions souvent, c'est juste, c'est pas concret. Et puis, plus j'écris, plus ça... Je vois clair là-dedans. Tu sais, comme là, je suis en train d'écrire une histoire qui est bien plus compliquée. 200 pages séparées en 8 chapitres. Et plus en plus, je suis à l'aise, on dirait que je comprends la mathématique derrière, qui n'est pas une science infuse, là, ma propre mathématique d'histoire. Puis j'ai perdu la question. Et puis en même temps, en fait, sur cette complexité-là ou cette mathématique de l'histoire, peut-être, est-ce qu'il y a un peu de la complexité ou au contraire, le côté très permissif de dire, bon, OK, je fais essentiellement une histoire sentimentale, métissée avec une histoire fantastique? Ouais, dans le fond, tu passes entre tu surfes entre deux genres. Ouais. C'est à la fois l'un et à la fois l'autre. Ben, comme là, je suis en train de faire ça aussi, là. Puis, j'allais écrire une histoire de camp de vacances. ce qui s'est jamais fait. Et puis je me dis bon, ouais, je l'ai souvent fait là, tu sais, l'amitié, le coming of age story. Comment on dit ça en français? Parcours initiatique. Oui, voilà. Et tu sais, je l'ai fait avec French Kiss, même si Grilloire est fantastique un peu, c'est beaucoup ça. Puis je me dis, OK, là, il faut que je plonge ailleurs, sinon je vais me répéter. Puis c'est ça. Là, j'ai décidé d'aller dans l'horreur, mélanger ça. Mais c'est voulu d'avance, puis après, ben c'est moi qui angoisse à faire ça de belle façon, donc, et surprendre le lecteur. Oui, puis en même temps, en fait, on peut s'entendre aussi côté horreur ou angoisse, mais il y a quand même justement les séquences de cauchemars, notamment du domaine Grilloire. Ouais. Ça reste un beau terrain de jeu pour explorer comment rendre l'angoisse à travers la planche. Je suis plus objectif, je sais pas si je l'ai réussi comme je voulais, là, parce que si j'avais eu un nombre de pages limité, là, j'aurais vraiment pu plonger dans des scènes de rêve qui durent 10 pages, puis que amener l'angoisse à son paroxysme. J'espère, j'ai fait peur un peu au monde, là, mais là, l'an prochain, je veux justement là, y aller plus loin, là, puis faire filer mal le monde, là. Oui, parce que dans Grilloire, tu joues plus avec les codes graphiques justement pour instaurer rapidement un peu un malaise. Je pense en fait dans le cauchemar du deuxième tome, on est dans des couleurs plus mauves, un côté peut-être un peu absurde, limite Alice au Pays des Merveilles moment. C'est comme on sent qu'on n'est pas dans une place normale. On tranche un peu de cette façon-là. Je voulais fixer des codes. Je voulais fixer des codes pour qu'on sache que c'est un rêve. Je voulais pas jouer sur la corde de... À chaque fois, on se réveille. Ah, c'était un rêve. Là. Je voulais que le lecteur le sache dès le début. Après, c'est des idées qui me viennent comme ça. Là. Je me souviens plus pourquoi. J'ai mis des petits lapins. Un lapin, justement, mais je me souviens plus pourquoi. En tout cas, et finalement, la référence... parce que vu que dans les rêves, hein, tu sais, tout a une logique dans les rêves. Tu te réveilles, tu te dis ça pas à pas, c'est ça. Ben, Noah qui voit le lapin qui est en retard, le fameux lapin d'Alice, puis que... Puis qu'elle se trompe, elle fait des références à Dorothée, une magicien d'Oz. Je pense que je voulais mettre un gag de ça. puis à travers ça, le rêve finit par prendre corps justement au fil du récit. Et là, tranquillement, on tombe plus dans des dynamiques d'essayer de montrer à la limite le voyage de l'âme, le côté corporel sans un peu astral. Ah ben oui, j'étais en train d'oublier cette séquence-là. Ouais. Ce passage-là, que dire de ce passage-là? J'imagine pas évident, juste la notion de nous illustrer des corps sans poids, sans... Je pense que je les ai recolorés 5-6 fois ces pages-là. Ben, en fait, c'est carrément comme si l'âme des personnages sortait de leur corps. Donc, ils sont bleutés, transparents, translucides. Pendant un bout, je me suis dit, je le mets-tu, je le mets-tu pas? Parce que, tu sais, c'est flyé quand ça arrive, là. Drogue en cause, en plus. Bon, on va pas tout spoiler, mais c'est des thèmes qui me reviennent. Hein. Le rêve, là, je pense que je l'ai fait avec Locke, beaucoup, le rêve. Ben, les fantasmes, le rêve, je l'ai fait avec Grilloire, là, je suis correct. Là, j'ai les voyages astrales, là, j'ai 2-3 histoires qui ramènent ce thème-là. J'ai le karaté, j'ai genre 6 histoires avec du karaté. On dirait ça, c'est mes patterns. Tant que j'ai pas été au bout d'un sujet, je vais continuer à le mettre dans mes histoires. Puis je m'en rends compte, hein, Locke et French Kiss, là, quand tes analyses de fond, c'est presque la même histoire. Et j'ai pas fait exprès. C'est pratiquement l'amour impossible. Ben pas l'amour impossible, mais l'amour vers la mauvaise personne. Puis finalement, c'est celle que tu te doutes pas qui est la bonne. C'est le même pattern. Hein. Il y aura du travail pour les érudits au fil d'ici quelques années. Et tu disais, Michel Falardeau, dans le fond, là, le premier diptyque, Domaine Grilloire, est conclu. Peut-être qu'un jour, on aura droit à d'autres dans cet univers-là. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que moi, j'en ai pour... Si j'embarquais là-dedans, puis un éditeur m'appuyait, là, je n'ai pour 10-15 ans. Là. C'est mon Seigneur des Anneaux, là. Fait que là, je m'en vais pas là-dessus pour l'instant, mais c'est presque ça, je vais revisiter du moins Axel un jour. Là. Alors ben d'ici là, on découvre donc la conclusion de l'histoire de Noah au fil de ces 2 tomes-là, avec cette petite porte ouverte vers Le Seigneur des Anneaux de Michel Falardeau. Ouais, avec plus de filles. Alors c'est publié du côté de Glénat. Michel Falardeau, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et au plaisir. Alors, je rappelle, donc, ça s'appelle Le Domaine Grilloire, donc, tome 2, La fille qui explose, de Michel Falardeau, c'est chez Glénat. Avant de se diriger vers la prochaine entrevue ici à La Vie en BD, petit clin d'œil sur un album que j'ai eu l'occasion de lire tout récemment, texte de Jonathan Ames, dessin de, je retrouve le nom, donc dessin de Dean Aspiel. Alors c'est donc un roman qui nous est arrivé, une bande dessinée qui nous est arrivée tout récemment, donc du côté de l'ouverture. Et donc c'est une histoire d'alcoolisme en fait. L'auteur Jonathan Ames, qui est un romancier quand même plutôt connu aux États-Unis, notamment aussi moi j'avais découvert comme scénariste en fait sur la série télé Bored to Death, et qui s'amuse en fait à lorgner un peu dans, du moins dans les univers que j'ai eu l'occasion de le voir développer, à lorgner un peu vers l'autofiction aussi, et c'est un peu le cas avec Alcoolique, où il nous raconte son histoire, enfin en 1979, à 15 ans, ses premiers contacts avec l'alcool, son premier verre, un breuvage qui au départ n'aime pas, mais il aime l'effet que l'alcool lui fait. Il aime le sentiment d'abandon que ça lui permet, la confiance que ça lui accorde. Et là, tranquillement, eh ben une constance dans le fil de sa vie, c'est que l'alcool devient un moment incontournable, un rituel incontournable. Des fins de semaine, boire jusqu'au renvoi physiologique, au rejet physiologique de l'alcool, boire sans contrôle, sans regard non plus sur les conséquences, mais un couvert, en fait, un secret qu'il réussit à garder caché en parallèle de ses succès scolaires, de ses succès sportifs, qu'il accomplit peut-être, on l'imagine, en dépit de ce côté sombre. Une amitié qui est incontournable dans sa vie, dans les premières années de sa vie, qui est forgée aussi autour justement de beuveries, autour d'exploration réciproque, une exploration amicale au départ qui deviendra le temps d'une soirée, une exploration sexuelle qui amènera également un certain non-dit dans l'amitié qui en suivra. Et on fait des sauts de l'adolescence, de la vie de jeune adulte, de celui qu'il appellera Jonathan A, donc inspiré de lui-même, mais comme il le dit à la fin, ça peut être aussi Jonathan anonyme, Jonathan alcoolique. Donc, un peu l'histoire de tous ceux qui vivent avec ce type de dépendance. Et donc, on le retrouve plus loin, où après une période de sa vie où il réussit à faire abstraction de l'alcool, ben, une peine d'amour va lui replonger à bras raccourcis, et où il va encore une nouvelle fois tomber dans les affres de cet alcool-là, qui va l'amener ensuite vers d'autres drogues, toujours dans la perte absolue de contrôle sur lui-même dès qu'il touche à ce breuvage. Et c'est l'histoire de ces moments, c'est l'histoire de ces réflexions lancées un peu avec le recul des années qui ont passé peut-être, pour essayer de comprendre pourquoi il est tant attiré vers l'alcool, pourquoi il est tant à la recherche de ce sentiment d'abandon, pourquoi il n'a pas ce contrôle sur lui-même. Alors on essaie de voir, d'analyser, de réfléchir d'une certaine façon, et d'aller chercher les différents indices, d'aller s'auto-analyser d'une certaine façon. Donc ça apporte une certaine richesse également ce récit, un récit qu'on retient peut-être d'abord et avant tout pour son côté narratif, pour la narration qu'on y trouve, peut-être un peu moins pour le dessin qui est correct, qui est classique, qui vient servir le récit, mais qui reste un peu en l'arrière-plan. Et donc autour d'un sujet qui est toujours à l'ordre du jour, évidemment, donc quand même une drogue légale qui peut être lourde de conséquences lorsqu'on s'y perd, et évidemment peut-être un récit qui rejoindra certains auditeurs. Alors si justement c'est un récit que vous avez envie de découvrir, que vous avez envie d'explorer la psyché de ce personnage, et probablement que vous y trouverez votre compte. Une recommandation sans nécessairement dire la plus forte recommandation, et ça reste un bon ouvrage à découvrir. Alors voilà pour ce commentaire. Donc je rappelle, c'est Alcoolique de donc Jonathan Ames et de Dean Aspiel. C'est du côté de l'ouverture. voilà donc toujours sur les ondes du 89.1 CKRL, toujours cet album Visibility Zero de Yours Truly. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30. Et pour les prochaines minutes, on va tomber dans l'univers de Marianne Dubuc autour de cet ouvrage qu'elle vient de sortir du côté de la courte échelle, L'Arche des animaux. Donc toujours dans l'univers de l'illustration jeunesse. Marianne Dubuc est avec nous au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Alors, en fait, un univers dans lequel vous nous amenez, donc avec l'Arche des animaux, un univers, évidemment, c'est dit dans le titre, qui est celui des animaux qui sont omniprésents au fil de l'album. Un type de personnage que vous aimez explorer, je pense à peu près tous vos albums mettent en scène des animaux. Là. Oui, j'ai toujours des animaux dans mes albums, effectivement. J'avais lu à quelque part que c'est parce que, dans le fond, vous regardiez une petite gêne côté dessin de personnages humains ou... Ben, en fait, c'est que j'ai pas encore trouvé ma façon de représenter les humains qui me plaît le plus, puis je me laisse plus de liberté quand je représente les animaux. Donc, je pense que c'est pour ça que j'aime plus les animaux. Oui, puis en même temps, j'imagine que reste qu'on a toujours des stéréotypes aussi par rapport aux animaux, le lion qui est fort, le renard rusé, oui, etc. Donc, ça permet d'établir rapidement la nature des protagonistes qu'on a dans les pages. Ben oui, ça permet de les établir plus vite, puis aussi des fois ça permet de souligner des traits de caractère ou de créer des effets de surprise ou ça ajoute toujours à l'histoire, donc je m'en sers naturellement en fait avec l'imaginaire que j'ai à propos des animaux. Et dans l'Arche des animaux, c'est un peu, dans le fond, une relecture hors religion du mythe biblique de l'Arche de Noé, dans le fond. Oui, c'est ça, en fait, c'est l'éditeur qui voulait faire en fait une suite aux deux livres que j'ai fait auparavant avec eux, mais pas avec eux, mais dont j'avais acheté les droits, parce qu'en fait, c'est un éditeur allemand avec qui j'ai fait le titre allemand, puis la Courte Échelle a pris les droits pour le Québec. Puis, en fait, oui, il voulait que je fasse l'Arche des animaux, mais l'Arche de Noé, mais je me suis assurée de ne pas avoir à toucher trop aux religieux, parce que je n'étais pas à l'aise de faire ça en tant qu'auteur jeunesse, je trouvais que c'était plus délicat. Puis, mais comme je suis spécialisée dans les animaux, ben je me suis vraiment concentrée plus sur cet aspect-là. Puis c'est vraiment plus les animaux qui vivent le déluge sur le bateau qu'autre chose, en fait, l'histoire-là. Ouais. Oui, enfin, on met de côté tout le côté moralisateur de cette histoire-là. Oui. Puis au contraire, ça devient une histoire très, très candide, ludique, puis une histoire un peu sur l'ennui aussi, sur le voyage. Ben oui, puis en fait, je me questionnais sur le public que ça allait trouver, étant l'histoire de l'Arche de Noé, mais sans parler de la religion, mais en fait, finalement, je me suis rendu compte que beaucoup d'enfants connaissent pas l'histoire de l'Arche de Noé. Quand je l'ai animée dans une librairie, je me suis rendu compte que j'ai demandé aux enfants qui connaît l'histoire de l'Arche de Noé, puis la plupart la connaissaient pas. Puis finalement, je me suis dit que c'était une bonne entrée en tant qu'il y a plusieurs parents qui sont pas toujours souvent pratiquants, ou enfin bref, on n'est pas rendu au même point dans la religion de génération en génération. Donc, ça permet quand même de parler de cette histoire-là, qui est quand même présente dans l'imaginaire de plusieurs. Sans avoir à être trop spécifique côté religion. Et en même temps, j'avais l'impression aussi qu'à travers l'Arche, quand je mettais à côté, par exemple, du lion et l'oiseau, de l'autobus et d'autres de vos titres, qu'on retrouve un peu le voyage, qu'on retrouve l'amitié, qu'on retrouve le temps qui passe aussi, que c'est un peu un lien entre vos différentes productions. Oui, c'est vrai, oui. Effectivement, je n'avais pas pensé à ça, mais oui. Et en même temps, avec d'autres tons, on est loin de... En fait, le lion et l'oiseau qui est plus en regard sur l'absence. Avec l'Arche, c'est à la limite, c'est vraiment le temps qui passe, c'est l'ennui. J'ai l'impression que c'est un peu ce qui est exploité. C'est vraiment deux livres très différents. Souvent, mes livres d'un livre à l'autre, c'est vraiment des univers différents, mm-hmm. des approches du livre jeunesse qui varient beaucoup. Puis dans le cas de celui-ci, c'était vraiment, je me basais sur l'histoire de l'Arche de Noé puis du déluge. Donc, c'était déjà tracé, mais en me concentrant sur les animaux puis la façon de passer un long moment sur un bateau à plusieurs comme ça, parce que c'était plus cocasse, puis c'était plus pour ça que je me concentrais. Oui, puis avec, en fait, j'ai l'impression, forcer un peu, en fait, vous me direz si j'ai tort ou non, mais j'ai l'impression qu'on force un peu avec l'Arche, un temps de lecture qui est quand même assez lent, assez tranquille. Enfin, on revient avec des pages de pluie, le début, c'est que sonore. Après ça, on alterne des séquences où on remplit le temps avec un rappel de ce qui se passe à l'extérieur, et tout ça se passe tranquillement au gré des vagues. Là. Oui, tout à fait. C'est effectivement un déluge, c'est long. Et c'est ce que j'aime bien d'ailleurs dans ce que vous offrez. En fait, si je fais des parallèles entre les albums que j'ai mentionnés, mais Le lion et l'oiseau, dans lequel vous permettez aussi énormément justement de silence, de temps, en fait, où c'est pas une lecture qu'on fait rapidement. Au contraire, on donne le temps à l'histoire de vivre et à l'enfant et aux parents qui la lisent de la faire vivre aussi. Oui. Ben, dans Le lion et l'oiseau, il y a peu de textes, mm-hmm. en fait. Puis il y a beaucoup de silence. Puis j'étais un peu pas étonnée, mais agréablement surprise quand le livre a été publié. Quand on fait un livre, on le vit nous dans notre maison, dans notre petit studio. Puis une fois qu'il est publié, c'est là qu'on voit la réaction du public. Puis le fait qu'il y ait beaucoup de silence, c'est comme si le lecteur pouvait faire le bout de chemin vers l'histoire, puis combler les silences. Puis c'est un livre qui touche beaucoup les gens dans plein de façons. Puis je me suis rendu compte que ce silence-là faisait que chaque histoire était personnalisée par chaque lecteur. Donc ça a été finalement sa force à ce livre-là qui a une très belle réception. Oui, parce que j'imagine, en fait, Marianne Dubuc, de manière générale, vous composez des livres en ayant en tête un peu, est-ce que c'est d'abord l'enfant, est-ce que c'est le parent qui va le raconter, qui va introduire l'enfant à l'univers de l'histoire, ou est-ce que c'est simplement pour vous, comment on envisage, comment on aborde un peu? C'est pas vraiment réfléchi quand j'écris une histoire, c'est plus ce qui va sortir de mes crayons va être l'histoire. C'est pas étudié pour un public en particulier. C'est sûr que, comme j'écris pour la petite enfance, c'est souvent l'adulte qui va présenter l'histoire à l'enfant. Mais pour moi, c'est important quand le lecteur s'approprie le livre et l'histoire. Puis les enfants le font en général assez spontanément si on leur laisse le temps et la place. Donc souvent, mes livres ont beaucoup de détails dans les images et le texte est assez discret pour laisser cette place-là. Que les enfants souvent vont aller dans l'image plus rapidement que dans le texte. Puis donc c'est ça. Donc je n'ai pas vraiment derrière pensé pour le public en concrètement, disons. Disons que l'histoire arrive, puis après, le public le reçoit comme il veut. Puis des fois, c'est plus des adultes. En général, c'est plus les enfants. Puis est-ce que l'histoire vous arrive d'abord à travers les images ou d'abord à travers les mots? En images. Oui, j'imagine beaucoup mes histoires en images, puis les mots précis qui sont dans le livre viennent par la suite. Souvent, j'ai la ligne narrative de l'histoire en phrases comme ça, mais qui sont pas le texte écrit dans le livre. Mais c'est vraiment en images que ça arrive au départ. Et puis j'imagine en même temps ça permet de justement utiliser les mots, mais en mode économique. Dans le fond, tout ce qu'on peut passer par l'image, on va le passer par l'image. Les mots viennent plus appuyer simplement l'ambiance, l'action, préciser des éléments. Oui, l'équilibre entre le texte et l'image, puis le jeu entre ces deux éléments-là du livre sont vraiment quelque chose que je travaille beaucoup. Puis pour moi, c'est important que l'image et le texte se répètent pas. Donc, qu'ils se complètent, puis qu'ils fassent chacun leur petit bout de chemin dans l'histoire. Puis avec le lion oiseau, c'était vraiment ce que je voulais faire. J'ai fait les images au départ, puis j'ai ajouté le texte, mais seulement le texte nécessaire pour laisser parler l'image. Donc, dans celui-là, j'ai vraiment fait consciemment comme ça. D'autres fois, ça se fait plus spontanément. Donc, c'est ça. Oui, puis avec l'autobus, où finalement, on est plus dans quelques éléments de dialogue, quelques éléments de contexte, mais en laissant beaucoup de liberté, dans le fond, comme vous disiez tantôt, dans le fond, pour permettre aux gens de s'approprier l'histoire. Je prends l'exemple de l'autobus. C'est quelque chose qui peut se raconter autant une demi-heure qu'en trois minutes. L'autobus, ça peut être très, très long. Ça prend beaucoup, beaucoup de souffle pour le lecteur. Oui, dans le cas de l'autobus, c'est l'histoire d'une petite fille qui prend l'autobus toute seule pour la première fois. Puis dans l'autobus, elle croise des personnages qui sont tous des animaux, mais toutes sortes de personnages. Donc, c'est vraiment... Le texte est présent, mais plus pour guider le lecteur de la première page à la dernière, parce qu'en fait, dans les images, il y a tellement de détails qu'on fait pas seulement lire le texte, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'histoire. Et justement, en fait, ça montre vraiment trois types d'orientation. J'ai l'impression de la belle variété aussi de votre production, de trucs plus écrits à la limite, avec un peu plus de texte, avec une autre ambiance comme l'Arche. Après ça, on saute d'une ambiance à l'autre. Comme ça, j'imagine que vous, ça vous donne une variété dans l'exploration de ce dialogue-là que vous avez avec vos lecteurs? Oui. En fait, chaque livre, je l'approche un peu comme un projet différent. Puis c'est une chance que j'ai eue de pouvoir travailler avec des éditeurs qui me laissaient beaucoup de liberté. Donc, ça m'a vraiment permis de faire... je pense que il y a une parenté dans mon travail, mais il y a quand même chaque livre un peu son univers puis sa façon de fonctionner. Dans Le lion oiseau, avec les silences, le rythme, les pages blanches, tout ça. Devant ma maison, qui est un de mes premiers livres, qui est un imagier, où on joue vraiment avec... c'est comme une piste à travers le... Il faudrait le lire pour le comprendre, mais qui est vraiment particulier dans son style à lui, dans le type d'imagier. Donc, chaque projet est une belle découverte, une belle aventure pour moi. Donc, j'en suis bien heureuse de pouvoir faire ça comme ça. Et on parlait de votre style visuel aussi. Tantôt, en fait, un style qui est chargé, qui est détaillé, mais en même temps qui est extrêmement simple et épuré. En fait, on joue avec un peu les deux dimensions, j'ai l'impression. Oui, c'est vrai. Oui, tout à fait. Je ne sais qu'ajouter. et pour l'Arche des animaux, là, on y voit plus, j'ai l'impression, avec c'est un peu plus crayon de couleur, un peu versus aquarelle dans d'autres. Il s'agit de trouver le bon support pour la bonne histoire, dans le fond. Ben, en fait, c'est que maintenant, ma fille est à l'école, elle est rentrée à la maternelle, mais avant, j'étais maman à la maison, puis je travaillais avec les enfants dans les tapes. Donc, chaque livre était une exploration, parce que j'avais pas le temps d'explorer des styles ou des techniques entre les livres. Donc, à chaque fois que j'avais un projet, ben, j'essayais une nouvelle technique. Mais il y a toujours le crayon de couleur, les crayons colorés qui sont là dans tous mes livres, que j'utilise toujours. Puis, il y en a qui sont faits avec de l'encre aussi. Le lion, l'oiseau, c'est avec de l'aquarelle. L'autobus, j'ai utilisé du papier calque, puis enfin, des couches de papier. Donc, chaque livre est vraiment une exploration, mais le crayon de bois reste... dans tous les livres que j'ai faits. Et puis en même temps, est-ce qu'on a l'impression qu'à travers justement aussi la précision du trait, ça permet à l'enfant peut-être de plus facilement s'approprier aussi cet univers-là? Parce qu'il y a un côté enfant aussi qui transparaît, j'ai l'impression, un peu dans le sens positif du côté enfant là, de vos images. Je ne sais pas trop comment le décrire, en fait, mais... Ben, c'est souvent comme ça que c'est décrit. Moi, c'est sûr que moi, je dessine, puis je suis tout à fait d'accord qu'il y a un côté naïf à mes illustrations, mais c'était pas vraiment... je dirais, c'était pas voulu. C'est mon style d'illustration, mais c'est vrai que je pense que il y a quelque chose qui vient chercher les enfants, et les parents aussi. Mais... je ne saurais pas le décrire ou l'intellectualiser tant que ça, dans le fond. Et évidemment, on le retrouve avec donc cette arche des animaux. C'est du côté de la courte échelle. Donc, le dernier né, également, ben en fait, je mentionnais l'autobus. C'est un peu incontournable de le mentionner, puisque vous avez eu un prix littéraire, le prix TD, je pense, oui, un peu plus tôt cet automne, le prix du gouverneur général l'an dernier pour Léon Loiseau. Oui. J'imagine que ça fait du bien de voir la réponse du public, mais aussi la réponse du milieu, la réponse de la critique aussi face à tout ça. Ben oui, c'est sûr. Puis en plus dans le cas de l'autobus qui a gagné le prix TD cet automne, il est sorti en mars 2014. Puis la durée de vie d'un livre en librairie est très très courte, c'est un mois même pas. Il faut vraiment se faire voir parce que sinon il y a des nouveautés qui arrivent, puis ça nous pousse. Donc le fait de gagner un prix si longtemps après sa apparition, puis là c'est une question de date d'éligibilité pour les prix là, que je ne connais pas trop, c'est que c'est les éditeurs qui s'en occupent, mais ça fait une deuxième vie, des fois une troisième vie au livre qui ressort, c'est-à-dire donne de la visibilité parce qu'il a gagné aussi, il me semble, le prix des libraires l'année dernière. Donc bref, ça permet vraiment une belle visibilité, puis pour les auteurs qui ont souvent pas une grande fenêtre de présence en librairie, ben c'est toujours très bienvenu. Oui, puis de pouvoir découvrir en fait simultanément différentes facettes de vos explorations et de ce que vous nous offrez. Marianne Dubuc, merci beaucoup. Mais merci beaucoup. Et au plaisir. À vous aussi. Bonne soirée. Alors, je rappelle donc qu'on s'entretenait avec Marianne Dubuc, donc auteure-illustratrice sur, entre autres, L'Arche des animaux, donc son tout nouvel opus qui est disponible du côté des éditions La Courte Échelle. Et toujours à La Vie en BD, je vous rappelle, toutes les émissions sont disponibles en balado-diffusion sur laviebd.wordpress.com. Dernière ligne droite avant la pause des fêtes, puisque je le rappelle, c'est la dernière émission avant le retour de janvier, avant le retour le 8 janvier. Et cette dernière ligne droite, on la passe en compagnie de Marco Duchesne, notre libraire préféré de chez Pantoute. Marco, bonjour. Salut. Et Marco, je t'ai fait une petite commande pour la dernière de l'année. Je me suis dit, fais-moi des suggestions de beaux livres. S'il y a des gens qui ont des amateurs de BD dans leur réseau et qui veulent les gâter avec des beaux, beaux livres. Et j'ai trois suggestions dans les catégories différentes. Tu vas voir, on va plaire à tout le monde. C'est ça qu'on aime. D'abord... chez Gallimard et Moulinsart se sont associés pour produire un livre qui s'appelle L'Art d'Hergé, qui est fait par Pierre Sterckx, là ça se prononce S-T-E-R-C-K-X, imprononçable. C'est un des grands spécialistes de Hergé et Tintin. C'est le plus grand spécialiste. Et pour la première fois depuis 15 ans, enfin, on a un truc sur Tintin qui n'est pas une bébelle. Parce que Moulinsart accorde des franchises à n'importe qui et n'importe quoi. Les revues comme Historia, Géo et tout font des spéciales Tintin, mais on retrouve très peu de relations avec le personnage ou les albums. Et depuis 15 ans, vraiment, là, l'accord qu'on donnait à certaines franchises de faire des albums ou des trucs. C'était un peu décevant. C'était tout le temps décevant. Mais là, c'est magistral. Les textes sont vraiment brillants, là, et c'est accessible à tout le monde. On fait une brève biographie encore une fois, mais on passe surtout au fait que on traite Hergé, on traite Tintin comme de l'art. Maintenant, avec cet album, il est de l'art. Dans tout le livre, on explore les albums, on explore les... Et là, l'iconographie est magnifiquement présentée. On retrouve des planches qu'on... Moi, il y a des choses que j'avais pas vues. Et Dieu sait que j'en ai vu, là. Et il y a des dessins... Puis les premiers, surtout, dessins, les premières affiches, les premières pubs que Hergé avait faites, c'était magnifique. Quel talent! Ce bonhomme-là avait tellement de talent. Mais la partie qui m'a le plus intéressé, ben là, l'amateur d'Hergé et de Tintin va s'y retrouver du long. Il va baver un petit peu dans le livre quand il va voir certaines planches, quand il va voir certains dessins. Là. Oui, puis la mise en contexte aussi, j'imagine. Oui, et là, quand tu vas voir les petites analyses de chacun des albums, le lecteur va se prendre pour un autre et il va sortir quelques traits dans des parties pour impressionner la famille à Noël. Mais la dernière partie, Hergé et l'art contemporain. Où on fait des ponts avec... Là, ils font des ponts avec toutes les... parce que Hergé est un amateur d'art contemporain, art moderne. Et là, ils font les ponts avec les artistes et l'œuvre. C'est assez brillant. Et là, c'est ma petite surprise. Je finis avec ma petite surprise. C'est que l'album, ce beau livre, c'est 59,95. Donc, il est relativement abordable. J'ai rarement vu un beau livre digne d'un catalogue d'exposition à ce prix-là. Gallimard a posé son nom et d'après moi, ça a été le truc, là, genre, on fait de quoi de beau, là. Bref, pour tout amateur de Tintin et d'Hergé, là, c'est ce qu'il vous faut à offrir. Et on saute avec ta deuxième suggestion après l'art d'Hergé, avec un truc autour de Art Crumb. Ouais, Robert Crumb, c'est ce dessinateur underground de la contre-culture américaine. Un monument de la contre-culture américaine. Écoute, c'est vraiment là, il a mis au monde, il a accouché de la contre-culture américaine au niveau de la BD. Et c'est quelqu'un qui, et c'est drôle parce que c'est quelqu'un qui vit depuis 20 ans à Paris. Lui et sa bonne femme coulent des jours paisibles en France et c'était comme évident que là, un des musées, en fait, c'est édité par le Musée d'art moderne de la ville de Paris. Alors, ils ont décidé de lui consacrer une exposition. C'est un très joli volume, mais là, on est moins dans les textes, on est moins dans l'explicatif que dans les planches, on est dans le visuel. Et là, on passe à travers toute la carrière de Crumb. Donc à travers l'évolution aussi de l'évolution son style, de son dessin, son style, on voit des planches originales un peu aussi là. Mais pour toutes les moi j'aimais bien Mister Naturel qui était une espèce de il racontait c'était de l'humour et il racontait l'histoire d'un moine à barbe blanche qui était très zen dans des situations où... Ouais. Et là on retrouve à peu près toutes les dans le volume, le catalogue d'exposition, on retrouve à peu près tout l'univers de Crumb et tout l'univers de la contre-culture des années 70. D'où le fameux poster, je sais pas, c'est la face qu'ils font, ça te dit de quoi? Ah, oh, t'es encore jeune. À mon époque, il y avait un fameux poster où on voyait à chaque case, à mesure que les cases avançaient, un type qui se tenait la main, la tête entre les deux, et la tête lui fondait entre les mains, et c'est de lui. Alors, dans celui-là, va aller chercher tous les vieux de la vieille qui ont voulu faire la révolution un jour. Ou ceux-là qui aiment aussi ce que donne aujourd'hui l'underground, puis qui ont envie de voir d'où ça vient. Là. Aussi, oui. Parce que ça reste quand même une scène importante de l'univers BD américain. Oh, oui, oui. En fait, les derniers temps, et ça, on y retrouve aussi dans le... Robert Crumb est un joueur de banjo. C'est quelqu'un qui aime beaucoup le folk, le blues, et il a illustré des cartes, tu sais, comme des cartes de hockey, mais avec des bluesmen, avec des folkers, il a fait de petits ouvrages sur compilations de biographies de folk, de blueseux, de... Bref, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé à la musique, et on retrouve ça aussi dedans. Alors ça, c'est un livre donc sur Robert Crumb, qui est aussi dans ses suggestions de fin d'année. Et Marco Duchesne, dernier titre, Michel Vaillant. Ben oui. Écoute, celui-là est arrivé, mais je l'ai feuilleté, puis ça, je l'ai trouvé intéressant. Ça s'appelle Jean Graton et Michel Vaillant, L'aventure automobile. C'est chez Hors Collection, une maison d'édition française. C'est fait par le fils, Philippe Graton, qui avait repris un peu la série, les scénarios avec son père à toute fin, puis maintenant avec la nouvelle mouture, parce que Michel Vaillant a eu droit aussi à un reboot. C'est fascinant, ce volume montre l'évolution de Michel Vaillant et de la Vaillante, l'écurie Vaillant, mais en comparaison toujours avec la réalité. Tous les voitures de course. On s'aperçoit que Jean Graton, c'était un méticuleux pour les voitures, là. Les dessiner de tous les bords, de tous côtés, les rendre réels. Là. Chaque fois que vous lisiez un Michel Vaillant, on voit l'évolution des voitures, mais on pouvait remettre dans la réalité ces voitures-là existaient vraiment. Et là, on épluche toutes les époques de toutes les voitures, de Formule 1, de Formule Indy, parce que Michel Vaillant a couru sur tous les circuits, le rallye, les Formule 1, Indy, whatever, là, nommez-en. Puis à un moment donné, on glisse vers l'espèce de produit dérivé Michel Vaillant. Tu sais qu'il y a eu un film. Ah oui? En France, il existe un film de Michel Vaillant que j'ai pas vu et que je vais chercher avec acharnement. Et on apprend tout ça. On voit comment travaillait Graton, tout ça. Pour l'amateur je sais qu'il y en a beaucoup d'amateurs de Michel Vaillant, de toutes les vieilles séries qui Michel Vaillant à la librairie, on s'aperçoit que il y a une espèce de clientèle qui veut pas lâcher, qui rajette les intégrales. Avec en même temps l'univers automobile qui est pas présent dans beaucoup de séries. Non plus, mais c'était pas si. Moi, personnellement, j'ai vécu ma première émotion avec Michel Vaillant. Je me rappelle. J'avais emprunté à la bibliothèque Série Noire. Et là, Michel Vaillant a 2-3 accidents, mais vers la fin, il y a un grave accident. Et je te dis, j'étais triste. Je pensais qu'on allait perdre Michel Vaillant. Bon, j'étais jeune et fou à l'époque. Mais ça, et je pense que ce qu'il y avait, ou dans les premiers tomes, peut-être pas là, il y avait ça, il y avait cette vie familiale-là, parce que les Vaillants étaient une famille. Il n'y avait pas que Michel Vaillant, il y avait son frère qui s'occupait de l'administration des Vaillants, et il y avait son père. Il y avait une espèce de vie familiale. Et je pense que c'est ça que ça allait aussi chercher chez les lecteurs. Donc, enfin, une espèce de communion, l'impression d'une intimité avec cette famille-là, avec ce personnage-là, puis avec l'univers puis aussi le sport qui est particulier. C'est ça. Alors, ça, c'est Jean Graton et Michel Vaillant. L'aventure automobile. Voilà, trois belles suggestions assez différentes, comme tu l'avais dit. Je pense qu'on a trois publics avec ces trois propositions-là. Et nous, on se dit à l'année prochaine. Ah, ben, à l'année prochaine. Alors, joyeux Noël. Et bonne année. Toi aussi. Voilà. Alors, Marco Duchesne, merci. Et nous, tel que mentionné, c'est ainsi qu'on se dirige vers la fin. C'est la dernière émission de La Vie en BD de 2015. Nous serons de retour avec un spécial coup de cœur le vendredi 8 janvier 2016, toujours de 17h30 à 18h30. C'était Raymond Poirier au micro. Joyeux temps des fêtes, bonne année et à très, très bientôt.